ma Ferrer, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Salut les copines. Elle est là, les pingouines. Elle est là ou pas? Fredo. Ah, il se cache peut-être. Parti. Elle est cachée. Ah mince, quel dommage. Je voulais lui parler des maletas. Les maletas, là, tu sais, cette technique espagnole. Parce qu'il cette, parle tradition. De scandale, cette tradition de magouille où tu donnes de l'argent, en fait, à des équipes. Tu donnes des mallettes à des équipes pour qu'elles jouent mieux. Hein, je crois que c'est ça le principe. Mm-hmm. C'est ça, et plutôt que laisser tomber les matchs. Le problème, c'est que nous, en France, on a essayé hein, de faire ça. C'est Canal+. Ils donnent 600 millions d'euros par an pour que ça joue mieux. Ça ne marche pas. Donc, laissez tomber. Hein. C'est pas un système qui est adapté à notre culture. C'est une grosse mallette à 600 millions. Hein. Non, ça marche pas. Hein. Ils s'en foutent, les mecs. Ils veulent pas jouer. On a parlé du mercato, très, très important. Mais avant, je t'ai ramené un petit, Gilbert, un petit souvenir d'M6. Je suis allé à M6. Et je t'ai ramené un rire de Thierry Roland. Ah, oui, est-ce qu'on a, on peut, est-ce que tu l'as? Voilà. Ah bah non, c'était toi. Pardon, excuse-moi. En fait, hein, c'est vrai, c'est marrant. En fait, vous êtes un peu pareil. Hein. Les mêmes genres de, les mêmes rires, mais les mêmes commentaires, les mêmes blagues racistes. Bon bref, et donc. Oh non. Mais non, c'est pas vrai. Vous avez pas le même rire. Olas. Olas, il voulait franchir un palier. C'est important qu'il voulait franchir un palier, et il l'a fait. Il a franchi le palier de son bureau, il a pris le mec du palier d'en face, c'est-à-dire le Rémi Garde. Ouais, c'est la révolution. Ça a fait l'effet d'une bombe. Mais en même temps, Rémi Garde, on dit qu'il a pas de palmarès, c'est faux. Il a le même palmarès que Domenech. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Le mec, il a du niveau. Moi, je crois aux jeunes de Lyon. Il y a pas de raison. Mounier, Taffer, Bergugno, ça quand même, ça déchire. Il y a pas de problème. Edel, on vient d'apprendre la nouvelle. C'est la stupeur. Edel ne sera pas prolongé. Et pourtant, il lui avait fait la promesse. Hein, moi, quand j'entends ça, j'ai peur qu'on nous apprenne que Traoré non plus n'est pas prolongé, que Sankaré ne revienne pas. Tout ça parce qu'en négociation, il est trop gourmand. Mais vous l'avez regardé, Edel? Bien sûr qu'il est trop gourmand. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il est trop gourmand à Poulet Edel. Non mais bon, bref, Lucho González. Alors moi, on me dit que Lucho González, c'est triste qu'il s'en aille. Non mais le problème, c'est que moi, je sais pas. Est-ce qu'on a déjà eu le vrai Lucho González? Moi, j'ai l'impression qu'on a eu Gonzague de Luchon, une espèce de un mec, qui a dû le remplacer au pied levé parce que le mec pouvait pas ou il avait une grippe intestinale, je ne sais pas. C'est Gonzague de Luchon qu'on a. On a pas le vrai, quoi. Cabaye qui veut se barrer. Mais en même temps, c'est parce que c'est humainement. On nous a dit, il y a un auditeur, il a dit que humainement, il veut se barrer. Alors je dis que c'est vrai que. Non, c'est Daniel qui l'a dit. C'est toi qui as dit que c'était humainement? Je sais pas de quoi tu parles. Si, est-ce que. Daniel a dit à, je sais plus qui, est-ce que tu peux comprendre que humainement, le gars, il veut partir? Non, mais c'est vrai, moi je comprends le mec. Non, mais c'est vrai, non, mais attends, le mec, il habite à Lille, c'est gris, c'est la zone, c'est pas glamour. Alors que Newcastle, c'est magnifique, c'est la station balnéaire, le rêve, le soleil toute l'année, des gonzesses à gogo. Non, on va pas se mentir, moi j'y suis allé, hein. C'est Dresde, sans le charme de la langue de Goethe, avec des poivreaux rougeards, des grandes asperges avec des dents de chez Caterpillar, fringué avec des chutes de nappes et des rideaux, dans un décor industriel, une brume épaisse à rendre même dépressif Pascal Feinduno. En gros, le mec, il est en train de nous dire que c'est pour ça qu'il s'en va. J'ai envie de lui dire bon courage, tu feras une bise à comment il s'appelle, à notre copain de Sunderland, là. J'ai même oublié son nom. Seignon. C'est Seignon. Bah, dis donc les matchs. Ça, Ben Arfa, tous les tocards. Donc le Barça qui atomise Manchester United. Alors la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la meilleure équipe de tous les temps? Ça, c'est dans le genre question à la con. C'est important de se la poser. Donc est-ce qu'ils sont plus forts que l'Ajax de Johan Cruyff? Je dis oui. Oui, l'Ajax de Johan Cruyff, ils ont 60 ans, ils ont la tête des Beatles après leurs adieux à Bercy, ou des Rolling Stones. Je te parle pas du Real de Di Stéfano, c'est pire, il en reste que deux de vivants. C'est le vieux du Muppet Show. Je pense qu'il y en a un, il fait une reprise de volée, il a sa prothèse qui part dans la lucarne. L'autre, il fait pas des fentes de corps, c'est juste qu'il a Parkinson. Parkinson qui n'est pas un attaquant en suédois, hein, Daniel, je te le dis, c'est une maladie de la tremblote. Et même s'il se dope à la verveine et au polydent, je pense que ça suffira pas, le Barça gagnera. Donc effectivement, c'est la meilleure équipe. À la différence d'Arles-Avignon qui, elle, est la pire équipe de tous les temps, c'est officiel. Et en même temps, moi, j'ai jamais compris ce principe de cette équipe parce que c'est une équipe d'ancienne gloire du football, de comiques, de saltimbanques et d'amateurs. En fait, c'est le variété club de France, en fait. Ça existait déjà, quoi. C'était pas la peine de faire un club pour ça. Et puis la Cantera. Alors Fred nous a parlé de la Cantera. C'est en fait ils jouent pareil depuis tout petit, c'est-à-dire les minots, les machins. Mais en fait le Stade Rennais c'est pareil. Depuis les poussins jusqu'aux pros, ils tapent dans des sacs, ils font des 100 mètres, ils coupent du bois. C'est une tradition. C'est que les mecs depuis tout petit se mettent des beignes. Et d'ailleurs, il y a eu un problème, c'est que Jérôme Leroy s'en va de Rennes parce qu'il y a eu un, il y a eu un malentendu, c'est que il voulait pas Jérôme Leroy, Anthony, il voulait Jérôme Le Banner, le champion de K1. c'est juste un petit détail. Il voulait pas Jérôme Leroy, lui. Enfin bon, maintenant ça va être vite réglé, il va dégager. Non, la vraie grande tristesse, c'est l'AS Monaco, qui nous quitte. Hein, vous êtes au courant. Donc Laurent Badil, il avait les larmes aux yeux, il disait, il pensait à tous les fans de football, là, tous les fans de l'AS Monaco qui sont tristes aujourd'hui, tous ceux qui ont soutenu le club. C'est vrai que moi aussi, je pense à tous ces amoureux de l'AS Monaco. Je pense au prince Albert, au fils de Régnier, je pense au frère de Caroline, je pense au frère de Stéphanie, je pense au fils de Grace Kelly, je pense à Albert de Monaco. Enfin, je pense à tous ces gens. Ça fait du monde qui sont effondrés. Le mec qui faisait du bobsleigh aussi pour Monaco. Tous ces gens-là, et ben, ils sont effondrés aujourd'hui, et il dit tous les amoureux du football. Non, les amoureux du football, ça valait. Par contre, les amoureux du tir à 10 mètres, du taekwondo et de la force basque, eux, ils sont très tristes aujourd'hui et ils pleurent. Et puis, sauf que on dit ça, mais il y avait beaucoup de gens pour soutenir Monaco pour leur dernier match. Je te rappelle qu'il y avait énormément de gens qui étaient venus. Par contre, ils ont galéré. Ils ont tourné dans Monaco pour trouver le stade. Je sais pas, ils étaient à 300 km/h comme des malades. Ils ont jamais réussi à trouver le stade. Et pourtant, il y avait des milliers de gens qui leur criaient la direction. C'est par là. Ils sont pas allés. Il y en a même qui sont rentrés dans les rambardes. Il y en a un, le mec, il a pas voulu voir ça. Il a carrément foncé dans les graviers. Il était dégoûté. Enfin, bref. Chanson. Alors, je voulais juste rendre d'abord hommage à Alain Bogossian qui a été beaucoup attaqué juste avant, parce que quand même Alain Bogossian, c'est un enfant des quartiers. Il a toujours été fidèle au quartier et même au Montre-Quartier. Voilà, c'est un mec qui est fidèle. et ça, on l'a pas assez dit. Voilà, une chanson sur un ami à nous qui a trouvé un club récemment. vous le connaissez tous, il a fait partie d'RMC aujourd'hui. Jérôme, on pense à toi. Musique. David Ginola qui est de retour au Parc des Princes, une frappe magnifique des 20 mètres, pleine lucarne, ça c'est un but et voilà qui va réveiller le Parc des Princes, 2-0, 35 minutes. Regard bleu azur, quelques mèches blondes décolorées, le bécane du pied gauche, pied droit, un petit peu pied carré. Un clin d'œil au supra, dribble court, feinte, centre enroulé. Nickel sur O'Haro, bordel, mais il s'est pas cadré. C'est horrible. Demi-finale de rêve, contre Chelsea, t'as révélé. Quoi, un contrat en or, non merci, moi c'est le PSG. Gardez tous vos Drogba, Lampard, Terry, Makelele. Donnez-moi Boskovic, Pancrate et Sami Traoré. Rotez à Manu ou Barça, non. En Caraguchou ou Bastia. Rotez la technique de Ginola, la vivacité de Lama. Pas Bernard, hein. Serge Lama. Merci pour lui. Excusez-moi, je l'ai pas pris au bon moment, j'étais complètement à côté. Hein. Tu gueulais presque aussi fort que la vraie. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais je la referai. J'ai senti quand même une forme de déclaration d'amour dans cette chanson. Parce qu'il sait que je l'aime, Jérôme. Derrière l'ironie. J'en ai une autre sur le. Alors, j'ai galéré pour trouver une chanson sur Moussa Sow, c'est pas évident. Et j'ai pensé à un tel ami, Eros Ramazzotti. Ah, chanteur préféré de Daniel. Un chanteur italien. Avec Zucchero, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, c'est quand même le chanteur préféré de Daniel dans sa Ford Escort. Tous les soirs pour aller au Papa Gaillot. Allez, c'est parti. C'est Moussa Sow, l'ancien du Stade Rennais, un franco-sénégalais, efficace depuis qu'il est transféré. Oh, lorsqu'il a rien coupé, et quelle que soit ses failles, quelles que soient ses failles, jeu au pied, Il a pas la technique d'Hazard ou Néné, mais il s'est marqué. Tous les tacles, il peut les éviter. Même s'ils viennent dans son dos. Tous les tacles, il peut les éviter. Saut de carpe glissade incontrôlé. Frappe comme un sourd tibia péroné. Mais c'est rentré. Moussa, pour toi, merci.